Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la naissance des grands magasins et les débuts de la culture de consommation. Le grand magasin Eaton est porteur de tellement de mémoires pour le centre-ville des Montréalais, essentiellement le grand centre-ville des Québécois au complet, qu'on ne peut pas oublier et simplement banaliser ça. Dino Bumbarou, d'Héritage Montréal, au moment où est annoncée la fermeture du magasin Eaton du centre-ville de Montréal en 1999. Les grands magasins sont si étroitement associés au paysage urbain et à l'architecture des grandes villes que leur fermeture est parfois ressentie comme une espèce de blessure à l'âme. C'est un peu comme si une partie de notre identité, ou à tout le moins de notre histoire, disparaissait avec la fermeture d'un grand magasin. Mais au-delà de cet aspect patrimonial, l'arrivée des grands magasins marque surtout la naissance d'un nouveau modèle de consommation qui va profondément changer nos vies. La naissance des grands magasins est une véritable révolution. C'est le début du commerce de détail moderne. Les gens, avec la révolution industrielle, ils ont un peu plus d'argent. Donc, il y a eu des grands magasins qui sont installés un peu partout, à Québec, à Montréal. On dit même, par exemple, Morgan, qui autrefois, c'était surtout dans le Vieux-Montréal où les gens étaient installés. Et Morgan s'est installé en face du square Philippe, du carré Philippe. Rue Sainte-Catherine. Rue Sainte-Catherine, c'était un des premiers qui s'est installé là. Et ensuite, tout le monde est venu sur la rue Sainte-Catherine. Il a fait de la rue Sainte-Catherine ce qu'elle est aujourd'hui à Québec. Ils sont partis de la place Royale pour aller sur la rue Saint-Joseph. Paquette, La Liberté, tout le monde s'est installé là. Et ça, c'était des magasins incroyables. C'est pour l'époque, là, six étages. Eaton, 9 étages. Il y avait 9 étages. On allait en ville magasiner, on s'habillait. On venait, on s'en venait dans l'Ouest. On dit, je m'en vais dans l'Ouest aussi. Une robe de toilette, des talons hauts, un chapeau, des gants, de la sacoche, tout le kit. Comme aller à messe. Extrait de l'émission Dimanche Magazine du 22 août 1989, où vous entendiez une Montréalaise se rappeler ses belles années de magasinage. Et juste avant, vous entendiez la réalisatrice Denise Payette à l'émission Des Hôtels du 5 janvier 2011 pour nous raconter l'histoire des grands magasins, le contexte, bien sûr, dans lequel ils vont naître, ces grands magasins, mais aussi la manière dont ils vont transformer nos vies. Je reçois Éliane Bélec, qui est doctorante en histoire à l'Université du Québec à Montréal, qui est également guide interprète, consultante en histoire et en patrimoine pour diverses institutions montréalaises. Éliane Bélec, bonjour. Bonjour, Jacques. Se pencher sur la naissance, c'est ça qui est fascinant quand on s'intéresse à l'histoire des grands magasins, c'est que s'intéresser à cette histoire-là, c'est s'intéresser à la façon dont on vit et dont va évoluer cette manière de vivre. Effectivement. Et comme disait Mme Payette dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la première question à se poser un peu, c'est ben, d'où ça vient cette consommation moderne? Et elle évoquait les ménages qui ont un petit peu plus de moyens. C'est une réalité qu'on observe même depuis la fin du 18e siècle. Alors, est-ce que c'est une révolution industrielle d'offres ou est-ce que c'est une révolution de demande? Oui. Donc, ça va un peu ensemble. Et puis, ben, on a identifié ça. Il y a aussi une bourgeoisie libérale qui se développe 19e siècle. Et c'est une classe sociale bien, qui va un peu amener ces modes de consommation, ces modes tout court aussi. Alors ça va témoigner de l'évolution des grands magasins et c'est un peu le lieu dans lequel ça va se matérialiser. C'est la transformation sociale. En fait, c'est une petite leçon d'économie. L'offre alimente la demande et inversement. Et ces grands magasins apparaissent parce que la société change. Oui. Oui, tout à fait. Et ils viennent pas de nulle part non plus, et on va le voir. Bonjour, messieurs. Soyez tous les bienvenus chez Selfridge et Waring. Vous vous tenez en ce moment même à l'endroit précis où le plus impressionnant et le plus exceptionnel des grands magasins qu'il vous sera donné de voir sortira de terre et se dressera à la place de ce qui n'était que décombre. Sauf votre respect, monsieur, nous le tenons dans un trou creusé dans le sol, dans un quartier délabré d'Oxford Street. Sachez que ce n'est pas n'importe quel trou. Sous vos pieds, c'est $1 million qui somnole. Et dans exactement un an, oui, un an, vous avez bien entendu, ce quartier deviendra l'artère principale, le cœur d'Oxford Street. Je sais de quoi je parle. Cet endroit est l'emplacement idéal, le meilleur de Londres. Extrait de la télésérie Monsieur Selfridge, naissance d'un grand magasin, qui a été diffusé en janvier 2015. Selfridge, ça fait partie, Éliane Bélec, dans l'imaginaire collectif britannique, en tout cas de ces noms qui viennent tout de suite en tête quand on pense à ces grands magasins oui, de Londres. Aussi. Voilà. Ça commence quand? Parlons-en de Harrods, de Macy's à New York. Chez nous, il y en aura aussi Eaton, la baie. Ça commence quand et dans quel contexte la naissance des grands magasins? Oui, ben, et ce qui est très drôle, c'est que Selfridge a l'air très enthousiaste et très novateur, mais Selfridge à Londres, ça ouvre en 1908, donc ouais. Au début du 20e siècle, alors que Harrods existe déjà depuis 1849. Et souvent, ce qu'on considère dans l'historiographie comme étant le premier vrai grand magasin en tant que tel, c'est au Bon Marché à Paris, ouais. Et ça, c'est 1852 environ. Mais là, je donne des dates précises, mais ce sont des établissements qui sont nés de l'évolution de leur propre institution. C'est-à-dire que souvent, c'est des magasins de nouveautés, mm-hmm. Et des magasins à rayons. Donc, des institutions un petit peu plus petites. Et on se rend compte que ben, la sauce prend, hein, comme on dit, et ça va s'agrandir, et ça va devenir là, des immenses temples de commerce, des cathédrales du commerce, hein, l'expression est consacrée. Et de très beaux édifices, évidemment, oui, il y a une valeur splendide. Patrimoniale. Mais la révolution, c'est d'offrir au même endroit un peu de tout. Mm-hmm. C'est ça, en fait. Un peu de tout. À l'époque, on parle de marchandises sèches, oui. Des fameux dry goods, alors du vêtement, de la vaisselle, de la cristallerie, de l'argenterie, bijoux, tissus, rubans, chapeaux. Alors, oui, on reconnaît là, ce qui va devenir le grand magasin qu'on connaît. Oui. Et même des fois, des rayons d'alimentation qui peuvent se conserver. Mm-hmm. Là, donc, ça peut être biscuits, thé, café, etc. À Montréal, pour revenir à notre contexte, oui. Ça commence quand et ils apparaissent où, les premiers grands magasins, ou en tout cas, ce qui peut ressembler à des grands magasins? Bien, le premier grand magasin officiellement à Montréal, c'est le Morgan's du Carré Phillips, donc la rue Sainte-Catherine, ce qui est aujourd'hui l'abbé centre-ville. Donc, les gens vont reconnaître cet immense bâtiment de pierre, de grès rouge. Mais l'ancien Morgan's, c'est le descendant, dans le fond, du Colonial House de Henry Morgan, qui était, lui, sur le Square Victoria. Ah bon? Alors, les gens aujourd'hui pensent au vieux Montréal comme le vieux quartier, mais c'est aussi l'ancien centre-ville. Ouais. Alors, avant que ça devienne la rue Sainte-Catherine, ben le centre-ville, c'est le Square Victoria, la rue Saint-Jacques. Et la logique, elle est simple. Le port est tout à côté. Oui. Les marchandises arrivent directement au magasin, exact. Pratiquement. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on peut encore voir dans certains bâtiments. Quand on est dans l'axe de la commune Saint-Paul, beaucoup des bâtiments, on se rend compte qu'il y a la porte arrière qui donne sur le port. Alors, la marchandise arrive par la rue de la commune, qui était commissioners à l'époque, mm-hmm. Et va déboucher dans la vitrine sur la rue Saint-Paul ou sur Notre-Dame, là, selon le magasin. Mais souvent, ça veut dire que le bâtiment ouais. communique entre la rue de la Commune et la rue Saint-Paul, par exemple. Si on revient aux grands magasins comme tels, vous parliez du Morgan's, qui mm-hmm. est devenu l'abbé aujourd'hui. Là, c'est l'édifice de la rue Sainte-Catherine. Ces grands édifices-là, ce qui fait leur particularité, puis ça va faire partie de l'histoire des grands magasins, c'est la modernité. En préparant l'émission, je pensais, on a fait avec Harold Birbu une émission sur l'histoire des gratte-ciels. Mm-hmm. C'est un peu la même chose. Donc, il y a les innovations techniques, architecturales, technologiques participent de l'histoire des grands magasins. Oui, effectivement. Et là, quand on dit grand magasin, tout à l'heure, on était dans le vieux port, on parle plutôt de magasin entrepôt. Oui. Alors même l'appellation va changer. Et quand on est rendu plus tard dans l'évolution des grands magasins, ce qui est vraiment, ce qui donne la forme très caractéristique de ça, c'est des nouvelles poutres en acier ou en fonte qui permettent là, des espaces beaucoup plus vastes. Mm-hmm. Et particulièrement aussi l'évolution de la fabrication du verre. Alors, ça va devenir un verre plus solide. Les vitrines, c'est important. Les vitrines, oui, ça va permettre l'apparition de ces grandes vitrines. C'est fou, on oublie ça, mais les escaliers roulants, tout ça arrive à peu près à ce moment-là. Oui, la deuxième moitié du 19e siècle, là, il y a des innovations technologiques, les premiers ascenseurs aussi. Mais disons que si on pense au Bon Marché, les escaliers monumentaux qui permettent de se mettre en scène presque. Mm-hmm. Alors, je viens m'endimancher dans ma belle robe au bras de mon homme, là, j'imagine, mais on est dans une représentation de soi-même à l'intérieur du grand magasin. Donc, quand on a en plus des innovations technologiques, l'apparition de l'électricité, il y a un salon de thé. Hein, le magasin est fait exprès pour permettre à sa clientèle de venir elle-même se mettre en scène. Oui. Et puis, l'histoire des grands magasins, évidemment, on l'a évoqué, c'est lié au développement urbain. Les centres-villes se déplacent, on l'a vu avec l'exemple de Morgan, on part du Vieux-Montréal pour aller sur la rue Sainte-Catherine. Ça s'est produit à Montréal. Puis c'est les grands magasins, dans le cas de Montréal, c'est Morgan qui a ouvert la marche, au fond. Absolument. Qui a été le premier commerce important. Oui. Et puis ensuite, le centre-ville va se développer autour du Morgan's. Oui, on peut dire ça, parce que dans le fond, la rue Sainte-Catherine, elle existe déjà. C'est une rue, disons, de quartier résidentiel. Hein, les rues transversales de l'ouest de la rue Sainte-Catherine nous montrent encore des maisons victoriennes. Ouais. Ben, donc, c'est un quartier résidentiel. Et les Morgan... Où il y a de l'argent, c'est l'époque du Golden Square Mile. Exact. Et les Morgan vont comprendre que notre clientèle, elle est là. Mais personne pense que c'est une bonne idée à l'époque d'aller s'installer au Square Philippe. Les Morgan vont être les premiers. Et ça va, en fait, effectivement, lancer cette mode. Et on sait que Burke's va venir s'installer vraiment dans les années immédiatement après, donc juste de l'autre côté de la rue. Alors aujourd'hui, ça donne au Square Philippe cette espèce d'apparence très victorienne. Et c'est la même chose partout. À Toronto, ce sera la rue Yonge. Oui. Calgary, je voyais un texte en préparant l'émission, c'était assez fascinant. La Baie, qui est une institution dans l'ouest du Canada, qui va changer. Il y a une rivière qui traverse la ville et ils vont devoir changer le magasin de rive parce qu'ils se rendent bien compte que c'est le centre-ville est en train de se déplacer exact. De l'autre côté, où il y a un chemin de fer. Oui. Qui permet à la marchandise d'arriver. Ça facilite le transport, effectivement. Puis ce qui est intéressant pour la baie, c'est qu'aujourd'hui, on demanderait aux Canadiens la première marque de grand magasin auquel ils pensent, c'est la baie. Ouais. Alors que la baie n'est pas du tout le premier grand magasin. Mm-hmm. C'est en fait plutôt une entreprise qui avait des comptoirs commerciaux et ils vont ouvrir leur premier grand magasin en 1912, tous dans l'Ouest. Très en retard! Ben, très, très en retard. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont tous les ouvrir dans l'Ouest canadien. Oui. Parce que, évidemment, à Montréal et Toronto, les deux plus grosses villes du Canada à l'époque, ben, il y a déjà Eaton, il y a déjà Simpson, il y a déjà Morgan's. Alors, la baie va aller occuper le territoire sur lequel ils sont déjà. Donc, ça va s'en aller à Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, ouais. Saskatoon et Winnipeg. Un mot encore sur le lien entre les grands magasins et le développement urbain qui va nous amener aux années 50 à peu près, parce qu'à un moment donné, les grands magasins vont se déplacer. Ça, c'est une autre petite révolution vers la banlieue. Ouais, ils ouvrent des succursales. Ils ouvrent des succursales, donc, qui suivent les banlieues, qui suivent les grands axes routiers. Aujourd'hui, c'est même ce que visuellement on reconnaît. On sait que si on monte la 15 vers le nord, on va avoir le Carrefour Laval avec la baie et le Simons, qui est un grand magasin qui est originaire de Québec. Mais c'est la production québécoise, donc côté grand magasin. Mais ça, c'est ce qu'on reconnaît de nos jours. Mais moi, je dirais que c'est même la deuxième vie des grands magasins, en fait. Ouais. Si on les associe, les grands magasins, à des édifices, à du patrimoine bâti, aux villes, au centre-ville, un peu plus tard aux banlieues, il reste que ces gens-là sont pas fous. Très, très vite, ils vont essayer d'étendre leurs tentacules en rejoignant les gens qui ne vivent pas dans les grandes villes. Et ça va passer par le catalogue. On écoute l'écrivain Roch Carrier en parler à l'émission Quelle histoire en janvier 2014. Dans tout le village, le catalogue Eaton était plus important que la Bible. Hein? C'est le livre qu'on connaissait avant la Bible, avant l'Évangile. C'était extrêmement important. Si je me souviens correctement, il y avait deux éditions. L'édition pour l'été, qui arrivait au printemps, et l'édition pour l'automne et l'hiver, avec un catalogue supplémentaire qui était pour les fêtes. Alors, chaque fois, on attendait. Il y avait une grande attente. C'était une attente de la communauté. Les gens parlaient. Bon, le catalogue s'en vient, le catalogue va arriver. Et c'était vraiment quelque chose de très important parce que, bon, il n'y en avait pas à la télévision. C'était un peu notre accès au monde. Quelle importance aura le catalogue dans l'histoire des grands magasins, Eliane Bélec? Ah, mon Dieu! Quel conteur, Roch Carrier, nous évoque déjà le côté très fébrile qui vient avec ça, mais ça, c'est déjà né d'une habitude. Ouais. Hein? Les catalogues participent même à la fondation et à la consolidation de ce que c'est qu'un grand magasin. Le grand magasin draine énormément de monde dans une ville, mais la raison pour laquelle ça se développe, parce que c'est quand même des institutions massives, ben c'est parce que le catalogue va permettre, même au 19e siècle, d'avoir accès à des régions plus éloignées, ou même pas si éloignées que ça, les gens vont pouvoir faire des commandes postales. Et c'est ça qu'évoque Roch Carrier aussi. Donc, c'est ma mère, ma grand-mère. Donc, on parle déjà de 2-3 générations qui sont habituées à ce mode-là de dire, je vais commander dans le catalogue soit du tissu, ça peut être la vaisselle, ça peut être des jouets. Hein. Ouais. On sait, on l'a tous un peu vécu aussi. Mais c'est ça, cette magie-là, cette expectative que réussit à faire le grand magasin avec ce document. Je vous écoute parler des catalogues, de cette offre-là. Il y a quelque chose de révolutionnaire aussi. Bien sûr, c'est le début de la culture de consommation moderne, mais il y a quelque chose aussi de démocratique, de rendre accessible à plus de monde, plus de produits. Ça change notre façon de consommer. Le prêt-à-porter, par exemple, des trucs en mode, il y a plein de choses qui vont changer avec les grands magasins. Oui, il y a plein de choses qui vont changer avec les grands magasins, notamment aussi parce qu'il y a plus de demandes. On revient à ce qu'on disait au début. Et puis, on est à une époque où on produit en masse les objets. Donc, il faut démocratiser leur distribution parce que sinon, ça ne vivra pas longtemps. Et la question du prêt-à-porter est intéressante parce qu'aujourd'hui, on vit presque tous avec du prêt-à-porter. Alors qu'à l'époque, si on voulait avoir un minimum de tenue, on allait souvent se faire les choses sur mesure. Et on cousait aussi beaucoup. Donc, les ménagères pouvaient elles-mêmes faire les vêtements beaucoup plus que ce que moi, je suis capable de coudre aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les premières choses à être produites pour les grands magasins, ça va souvent être des capes. Parce que l'ajustement n'est pas si serré que ça. On peut s'en sortir avec un beau tissu, une belle tombée, sans que ce soit nécessaire de faire trop de retouches. D'ailleurs, les grands magasins souvent ont un atelier qui va permettre de faire certains ajustements. Alors, ça, c'est un service dont ils sont aussi très fiers. Ça libère les femmes de cette tâche de faire de la couture, ce qui nous amène à parler parce que de l'impact que vont avoir les grands magasins dans la vie des femmes. Ça va être considérable. Qu'est-ce que ça va changer à la vie des femmes, l'arrivée des grands magasins, Eliane Bélec? Il y a deux choses dont il faut parler. Déjà, les grands magasins vont viser les femmes en tant que public cible, entre guillemets, si on parle marketing contemporain. Dès le début, les lieux sont faits pour accueillir les femmes. L'époque victorienne est une époque où on considère que la femme est la maîtresse de maison. C'est sa responsabilité de doter son foyer. Et là, on va viser bourgeoisie, petite bourgeoisie, classe moyenne élevée, encore là, pour avoir le plus de monde possible. Et les femmes vont être visées comme ça dès le départ. Ouais. Ensuite, c'est que elles vont venir y travailler dans les grands magasins. Il y a beaucoup de vendeuses, de jeunes femmes qui vont être des commis, que ce soit pour le côté tissu, le côté vaisselle, le côté bijouterie, accessoires, les gants, chapeaux. Cette façon-là d'avoir un métier, ça permet à beaucoup de jeunes femmes de vivre un peu une forme d'émancipation. D'avoir une indépendance économique, absolument, financière, c'est important. Oui. D'autant que l'économie autour des grands magasins va exploser, ça va devenir un secteur économique très, très important, les grands magasins. Oui, effectivement. Et là, on va sauter plusieurs années, là, mais juste pour vous montrer l'évolution de la chose, à la fin des années 60, la rue Sainte-Catherine, il y a plus de 10 000 personnes qui vont travailler dans un des 5 plus grands magasins de la rue. Là. Donc, Simpson, Eaton, Morgan's, tous ces grands noms-là. Exactement. C'est donc considérable. Et Eaton, seulement Eaton, compte la moitié de ces gens-là. Et même le magasin, on dit qu'il aurait accueilli chaque jour plus de 30 000 clients. Alors là, ça, c'est vraiment une force économique très, très importante. Ouais. Le monde est n'importe quoi. Le monde est le n'importe quand. D'économique ou d'excentrique, de bois de fer ou de plastique, à des prix qui vous font chanter. Ça, c'est la paix pour tout trouver. Demandez-nous n'importe quoi, demandez-le n'importe quand. D'automatique ou d'électrique, de soie de pierre ou de synthétique, à des prix qui vous font chanter. Ça, c'est la paix pour s'amuser. Nanana, nanana, nanana. Demandez-nous n'importe quoi, presque. On va rester à Montréal et évidemment, quand on parle du contexte montréalais et qu'on touche à l'histoire des grands magasins, on ne peut pas passer à côté de la question linguistique. Extrait du Radio-Journal du 17 janvier 1989. Un groupe de femmes anglophones demande au caucus libéral des excuses publiques à la suite des propos tenus par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Pierre MacDonald. Dans une interview accordée à la presse, le ministre a dit que plusieurs députés étaient offusqués de l'utilisation de l'anglais dans les commerces du centre-ville de Montréal. Ils auraient même dit être fatigués d'aller chez Eaton et d'être servis par une grosse maudite anglaise qui ne parle pas français. Elles sont 14, elles sont professeures, administratrices, infirmières et n'hésitent pas à se nommer elles-mêmes les grosses maudites anglaises. Elles ont été tellement offusquées des propos du ministre qu'elles ont décidé de convier les médias pour manifester leur indignation. Selon le ministre McDonald, plusieurs collègues lui ont dit, et je cite, « On est tannés d'aller chez Eton et d'avoir une maudite grosse anglaise qui ne sait pas parler un mot de français. » Greta Nemiroff du collège Dawson. Allons, on veut avoir les excuses de tous les membres du corpus. Pour le groupe, ces propos sont très méprisants à l'endroit des travailleuses d'Eton, des femmes qui, pour la plupart, travaillent à temps partiel et n'ont pas les moyens de répliquer. En plus d'être un grossier mensonge, disent-elles, ce discours est sexiste et raciste, il insulte toutes les Québécoises et dépasse le débat linguistique. Ici Denise Gascon à Montréal. À Montréal, donc, l'univers des grands magasins, ça va être ça. Hélène Bellec, ça va être à la fois deux univers parallèles, les magasins pour les anglophones, les magasins pour les francophones, et puis quand les deux mondes se rencontrent, des tensions, on vient de l'entendre, ça fait partie de l'histoire des grands magasins chez nous. Ça fait pas. Oui, c'est sûr que c'est une réalité et évidemment, l'expérience individuelle nous dit aussi un peu l'inverse. C'est-à-dire que, ben oui, des fois ça arrivait qu'on pouvait se faire servir en français. Eaton avait des catalogues en français, des catalogues en anglais. Ils vont être les premiers à faire des filets de mode aussi dans les deux langues. Et on sait que certaines clientèles anglophones allaient se fournir en certains objets chez Dupuis Frères. Donc, des fois, il y a ça voyage aussi. Ouais. Mais c'est sûr que il y a des géographies linguistiques montréalaise, là, avant les années 60, c'est très, très clair. C'est très clivé, à l'image du Québec, évidemment. Aujourd'hui, ils en sont où? Quelle place ils occupent dans notre société actuelle, ces grands magasins? Ah ben, je pense qu'on est un peu dur avec les grands magasins aujourd'hui. Je pense encore des lieux fréquentés qui se cherchent un peu à l'époque du commerce électronique. Peut-être que certains vont faciliter cet accès-là à leurs propres marchandises. Je pense que certains tirent mieux leur épingle du jeu. C'est des décisions qui relèvent des fois des administrations individuelles aussi. Mais c'est une transformation importante. Il y en a qui ont fermé. Le commerce électronique, au fond, c'est d'une certaine manière peut-être un peu le retour du catalogue. Ben oui, un peu, parce qu'on peut faire des commandes postales via le site Internet. Par exemple, je ne veux pas faire de publicité, mais je sais que Simons le fait. Ouais. Alors que Sears Roebuck, qui était un des plus vieux grands magasins aux États-Unis, lui, vient de mourir, au fond. Alors, c'est une courbe à négocier. C'est leur troisième vie, peut-être. Je ne sais pas. On verra pour l'avenir. En tout cas, c'était fascinant de vous entendre nous parler de cette histoire des grands magasins. Hélène Bellec, doctorante en histoire à l'Université du Québec à Montréal, guide interprète, consultante en histoire et en patrimoine. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Ça m'a fait bien plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Marielle Montminy. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Toutes les grandes marques, les dernières nouveautés, c'est chez